Abreuvoir. Viens sur place les soirs de match ou rends-toi sur abreuvoir.ca pour participer ou en savoir plus. Pub, terrasse, club, l'Abreuvoir, 403 Ontario Est, Montréal. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonjour à tous et bienvenue à votre grande traversée du vendredi 10 février. Mon nom est Jean-François Lusignan. Je vais remplacer cette semaine Jim Roy pour cette grande traversée. Donc, je serai avec vous pendant les deux prochaines heures, donc jusqu'à 18h. J'anime habituellement le palmarès du mardi qui est à 18h. Alors, c'est avec un très grand plaisir que je vais vous présenter dans les deux prochaines heures, eh bien, les artistes et groupes qui m'allument actuellement. Pour vous donner un petit aperçu, vous allez entendre tout à l'heure au courant de l'émission des nouveautés de Twilight Sad, Oler et également quelques autres trucs qui sont sortis là, vers la fin de l'année dernière. Et je suis en direct aujourd'hui, alors vous pouvez m'appeler au 514-343-CISM 343-2476 pendant les segments musicaux pour me parler ou si vous voulez connaître le nom d'une chanson. Et on va débuter l'émission d'aujourd'hui avec trois chansons qui figurent sur les palmarès chansons franco et albums anglo de CISM. La station, à chaque émission, nous demande de faire jouer quelques chansons des deux palmarès. Alors voilà qui va être fait. Et il va y avoir Naïs et Fix, les Ducs du Hasard, avec Le Thème, qui est une reprise de la chanson de la série Dukes of Hazzard. Cette chanson-là se retrouve en 8e position cette semaine. Ensuite, ça sera suivi d'O Safari avec Taxi, qui quant à elle en 3e position. Et pour terminer, du Porcelain Raft avec Drifting In and Out. Et tout ça sur la marge CISM. Bon et mauvais ex, equo. Mes qualités éclipsent mes défauts. Pas besoin de me valider, je me suis déjà fait aliter. J'ai plein de textes comme Halle Berry, des phrases belles comme Halle Berry. Pis j'connais ma valeur, rapper amateur, idole à mes sœurs. Un peu de la misère, crapper la misère. Pas des petites gamiques, non. Ce qui est ma pyramide, du haut dynamique. Serre à l'arc avec la dynamite. 4 vitesses, 4 barils, double exhaust, Chargers du Texas, fucké sur le Texas. La paire, deux faces à claque comme Max Lapierre. Cache ta bière, on taxe l'affaire. Caractère, ensemble, plus fort comme des poulies. Les trucs du quoi, attention, hasard, risque des poulies. Bully de ton bully, slap shot des boulets. Rap plus keb que Jerry Boulet. Just a good old boy. Never mean him no harm. We talk in every song. In a trouble with the law since the day that they were born. Straighten in the curse. Laughing in all the tears. Some may have conquered my storm, but the love never went. Hey yo, les Ducs, c'est quoi, d'après toi? Toi? Non, c'est pas du rap québécois. Quoi? C'est hasardeux comme du schnapps pour un Iroquois pyromane. J'ai un gyrophare sur le hood de mon dub slap. Un dilemme trop fort qui te hook sur le track. Pas besoin de trop de dope comme ta cocaïne. No joke, mon drum est une grosse dose de dopamine. Il faut trop que tu oses ajouter autre chose que de l'eau dans ton pauvre régime. Y'a pas de truc pour être un duc, c'est hasard. Faut aimer le luxe, c'est voir les autres qui se bagarrent. On aime toujours ça plus déviant. Comme te capturer et t'injecter un gène de flétant. Pour te regarder bouffer des sangsues dans l'étang. Au-dessus de la loi, divertissement fréquent. Les ducs du hasard avec un sourire ciment. Just a good old boy. Never be talking in the sun. In a trouble with the law. Since the day that they were born. Straighten in the curves. Flexing in the hills. Some may have conquered my tomb, but the law never went. We'll be right back. Tokyo, Paris, New York, Berlin. Circuler dans tes veines jusqu'au petit matin. En taxi, en taxi, en taxi. J'aimerais sortir ce soir, mais pour aller nulle part. Traverser cette ville avec toi au hasard. En taxi, en taxi. La position numéro 14 du palmarès album de CISM, Strange Weekend de Porcelain Raft. C'était la chanson Drifting In and Out. On va maintenant entendre une chanson du nouvel album des Écossais de Twilight Sad qui est sorti mardi dernier. L'album s'appelle No One Will Ever Know et c'est leur troisième album en carrière. Et on peut dire que c'est un album sur lequel le groupe opère un certain virage musical avec l'incorporation de beaucoup plus de claviers que par le passé et aussi l'influence de la musique industrielle de leur propre aveu. Et si vous aimez le groupe, justement, il sera à Montréal dans les prochaines semaines, donc Twilight Sad. Et si vous n'êtes pas trop loin d'Internet, le vidéoclip que le groupe a fait pour une autre chanson du même album, cette chanson-là s'appelle Another Bed, vient d'être mise en ligne. Et dans ce vidéoclip-là, qui est assez troublant, on voit, ça met en scène un gars solitaire qui se cherche des amis pour fêter son anniversaire. Et le problème, c'est que les gens qu'il trouve, eh bien, c'est des gens qui sont morts. Alors là, il va falloir qu'il fasse preuve d'ingéniosité pour mettre un peu de pep dans son party d'anniversaire. Donc, chanson d'Another Bed de Twilight Sad. Mais quant à nous, on va plutôt écouter la chanson Dead City. Voyez le lien de Twilight Sad, tout ça à CISM. Vous êtes toujours à l'écoute de la Grande Traversée du vendredi avec Jean-François en remplacement de Jim Roy pour cette semaine. Vous venez d'entendre Sleep Party People avec Notes to You. Notes to You, c'est ça. Leur album arrive justement sur le palmarès cette semaine. Et c'était précédé de Twilight Sad avec Dead City. Et ça faisait un duo pas très, très joyeux. Je m'en excuse. On va essayer de faire mieux pour le prochain bloc, le prochain segment qui va commencer avec du Mathias Mental, dont le dernier album, Teflon Child, qui est sorti en 2010, là, a marqué un certain virage dans sa carrière, là, plus axé vers la musique électronique et les remixes de chansons. Et là, il semblerait que Mathias Mental travaille ces temps-ci dans un autre projet qui s'appelle Tango Charlie, dans lequel il y a aussi des membres de Cougarette et pour lequel on peut entendre deux chansons, je crois, sur Bandcamp. Mais pour revenir à Mathias Mental, on va écouter une de ses rares chansons en français, tiré de son tout premier album « The Happiest Boy in Montreal ». Voici « Motel Sunrise » sur les ondes de CSM. Qu'est-ce que j'ai? Quelle pilule il m'a donné? Je me sens prêt à tout affronter, je me sens prêt à tout défier. Ai-je bien lu la prescription? Est-il mon nom sur le flacon? Symptômes, je n'ai plus de gêne, je parle, je souris sans raison. Docteur, je me sens high. Docteur, est-ce du Spanish fly? Ce que vous m'avez donné, que je viens d'avaler. Chaque année quand arrive l'automne, mes amis qui dépressionnent, pas comme je les aime, de mes pilules je leur en donne. Et ils les aime. Chaque année quand arrive l'hiver, mes amis qui s'ouvrent les veines, moi comme je les aime, de mes pilules je leur en donne. Et ils les aiment. Docteur, ce sont l'attaque. Docteur, Tom York en duo avec son frère Andy York sur All for the Best, qui est une chanson qui se retrouve sur une compilation de reprises du groupe Miracle Religion, qui est un groupe britannique qu'on connaît tous pas du tout, je pense. Plusieurs artistes importants ont quand même participé à cette compilation-là, dont The National, Michael Stipe là, de R.E.M., Dinosaur Jr., et aussi Frank Black, par exemple. Et tout ça, en fait, tout le concept derrière cette compilation-là était dans le but d'amasser des fonds pour Mark Mulcahy, qui est le leader, le compositeur des chansons de ce groupe-là, et qui, en 2009, a perdu sa femme et là, se retrouvait avec le dilemme de devoir être dans un statut de musicien qui compose des musiques, qui part en tournée et qui a deux jeunes filles. Alors là, plusieurs musiciens britanniques et américains se sont mis ensemble pour l'encourager et lui donner un peu d'argent. Et pour revenir à Tom York, eh bien, son frère Andy York et lui, je pense que c'est la première fois, sauf erreur, là, qu'ils font un duo ensemble sur disque. Par contre, Andy York, c'est pas, il a quand même une carrière musicale de son côté. Il y a le groupe Unbelievable Truth, dans lequel il a œuvré dans les années 90. Il y a eu une carrière solo également dans les dernières années, mais je crois que ça n'a pas aussi bien fonctionné que ça aurait pu l'être. Alors voilà, duo Tom York et Andy York, deux frères. Et avant tout ça, vous aviez entendu du Tremolo, l'ancien projet des gars d'El Motor, avec la chanson Prozac. Et on retourne en musique avec un band à Montréal qui, lui non plus, n'existe plus malheureusement. C'est Lavabo avec Hypochondriac. Tout ça à la grande traversée du vendredi. Ça y est, je me marche, je sens, ça couille, ça bouge, un dardi, ça va tout proche. J'ai un fat pour cœur, les reins plein de roches. Ça y est, je me marche, la fin approche. J'entends déjà le médecin me dire qu'il reste bien deux jours à vivre. J'entends déjà ma blonde qui pleure à la mort en signant d'un volet. Paranoïa, le mal me tue, je m'en fous pas. Je vais plein de rouge, je remplis plat. Diagnostic hypochondriaque. J'entends déjà les saints massifs du monde venir aussi matière. J'entends déjà les cris textiles, les clés du portail de Saint-Pierre. Ça bouille, ça bouge en dedans, pis ça va tout croche. J'ai un fort content, les reins pleins de roches. Ça y est, je me meurs, la fin approche. Super motive, ma paranoïa. Le mal me gruge, mon poids si fort. J'suis plein de blague rouge, j'suis rempli de blague. Diagnostic hypochondriaque. J'entends déjà le médecin me dire qu'il me reste bien deux jours à vivre. J'entends déjà ma blonde qui pleure. Bonjour, je m'appelle. J'habite à Saint-Étienne, je marque les buts. Je lance des boules de neige. Je fais du surf sur mer. L'hiver, j'hiberne. Au printemps, pour la forme, je bousille des toiles de mer. J'organise des paris. Sur terrain de Baltrap, les portraits de l'histoire de l'art prennent une claque, le front l'œil gauche, le double pour l'œil droit. Les bras ne comptent pas, les jambes c'est trop facile. Depuis j'ai remarqué, souvent elles n'y sont pas. J'ai eu la Joconde à la fronte, j'ai rendu Picasso manchot. Et ainsi j'ai représenté l'artiste espagnol en Vénus de Milo. Personne ne s'émerveille à croire que c'est mieux de se couper l'oreille. Je suis interdit dans tous les musées de France. Mais moi, j'ai ma conscience. Quand un journaliste meurt, j'allume un cierge. Quand un politique tombe, je fais la grève. Pour le sida, j'ai mis mon fusil aux enchères. Et puis les toiles avec des trous, c'est plus facile à se lever, à transporter, à accrocher. Les musées sont ingrats, redonnent une tapisserie. Leur raison d'être comme il se doit. On dit que l'art est mort, mais s'il ne l'est pas encore, il faut le tuer. Les choses seront plus claires et on saura ce qu'il nous reste à faire. On dit que l'art est mort, mais s'il ne l'est pas encore, il faut le tuer. Les choses seront plus claires, on saura mieux à qui on a affaire. La presse recense plusieurs millions d'intentions de vote, ça prouve que certains ont encore des intentions. Dommage que ce soit pour voter qu'ils s'en défendent. Heureusement, Skyrock veille à la liberté d'expression. Je rejoins le club des députés, donne du fil à retordre à l'AFP. Pour les sondages, s'il est blasé, laisse gâter le PAF. Profite juste du BNF, de ne pas être recensé parmi ceux qui ont loupé le coche et à qui l'on vide les poches. Pour quelques lois, ils vont raber le dégoût. Produit de première nécessité, le seul dont j'ai besoin. Quant aux problèmes de société, les solutions, à part la destruction, je ne vois rien venir. Le pire, c'est qu'il va falloir se maintenir en première division des bons à rien. Si je veux gagner mon pain, les guignols de l'info, c'est rigolo. Les gens bien disent que c'est rigolo. Les gens moins bien regardent le bébé chaud. Le bébé chaud, c'est rigolo. La télé s'adise, mais c'est le même topo. Je ferai bien la révolution, mais tout seul, c'est coton. C'est vrai que le monde est con, et plus il se pourrit, et plus je me sens bon. Plus les femmes sont sexy, et plus je me sens con. La population prenait les mines des revendications. Que ferais-je de mon QI sans doute une contre-révolution. On dit que le peuple est mort, mais il ne l'est pas encore. Il faut le tuer. Les choses seront plus claires, je n'aurai plus à chercher ce qu'il me reste à faire. On dit que le peuple est mort, mais il ne l'est pas encore. Il faut le tuer. Les choses seront plus claires, je n'aurai plus à chercher ce qui me reste à faire. le duo montréalais Garage Grunge Solids avec Blown Out qui se retrouve sur un 7 pouces sorti l'année passée. C'était précédé du défunt groupe de Toulouse en France, Diabologum, et la chanson Il faut. Le groupe s'est séparé, je crois, en 98 et depuis ce temps-là, le chanteur, le leader Michel Clou continue en solo avec, par exemple, l'album Notre Silence qui est sorti à l'automne passé et qui, je crois, avait tourné quand même un peu à CISM. On va maintenant entendre un nouveau groupe de Minneapolis qui propose un rock qu'on pourrait dire estival. Ils s'appellent Oler et ils vont visiter Montréal au mois d'avril prochain. Alors, sans plus tarder, voici Told You Once de Oler sur la marge CISM. My only wish is that you would stay. Un succès souvenir de CISM qui remonte à 1999, c'était Les Saints avec Mon Bolide. Et Les Saints, c'était comme une espèce de concept. Chaque membre du groupe était déguisé en soit en prêtre, en religieux ou en sœur. Alors voilà, Les Saints, je crois que ça s'est dissous quelques années par la suite, après 1999. Et on va justement se quitter, nous, pour quelques minutes, le temps des publicités. Et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième heure de la Grande Traversée du vendredi. Et pour s'y rendre, voici André avec 450. Dans le 450. Tu consommes pour ton bonheur. Tu envahis le plateau. Culture 450. Dans le 450. Pas trop loin. J'en veux encore. J't'en veux encore. J'en veux. Dans le 450. Avant même d'être ridé, tu vas te faire liposucer. J'en veux encore. La communication n'a pu être établie. Veuillez vérifier la le communication numéro n'a pu être établie. C'était un Veuillez message le numéro et composé de nouveau. La communication n'a pu être établie. Veuillez vérifier la communication n'a pu être établie. C'était un message enregistré et composé de nouveau. La communication n'a pu être établie. Veuillez vérifier la communication. Ils ont fait vibrer en 2011 suite à la sortie de leur premier album, Calls. Le duo sera à Montréal le 26 avril au Théâtre Corona. Billets en vente sur evenco.ca. Une présentation de Greenland et Evenco. Calls au Théâtre Corona, à deux pas du métro Lionel-Groulx. Salut, ici Pépé et tu es en train d'écouter CISM 89.3 FM, une des meilleures ou sinon la meilleure radio au monde. Multilingue international, le baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal vous est offert en trois cheminements linguistiques. Régulier en français ou bilingue français-anglais ou trilingue français-anglais-espagnol. Le baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, une expérience universitaire inégalée. Multilinguisme international et stage à l'étranger sont à votre portée. Rencontrez-nous lors de la journée Portes ouvertes le mercredi 8 février de 16h30 à 20h30. Informations sur hec.ca. HEC Montréal se distingue parmi les meilleures écoles de gestion. Bonjour. Vous aimez la musique? Vous ne parvenez pas à faire la différence entre les perles et les bofs? Les incontournables classiques et les disques à oublier sous le tapis? Eh bien, faites appel au service de dépoussiérage incorporé. Le mardi de 7h à 9h, laissez nos professionnels qualifiés mettre de l'ordre dans votre monde social, culturel et politique. Avec le sympathique Georges vos affaires, Paulinque, député Rave Incorporé. C'est le mardi matin sur les ondes de CISM 89.3 FM. Est-ce correct? Las Vegas, l'Abreuvoir, match du Canadien, terrasse chauffée. Las Vegas! Comment gagner un week-end pour deux personnes à Las Vegas durant les matchs du Canadien à l'Abreuvoir? Viens sur place les soirs de match ou rends-toi sur abreuvoir.ca pour participer ou en savoir plus. Pub, terrasse, club, l'Abreuvoir, 403 Ontario Est, Montréal. C'est chouette! Shout out to you! Et puis, bonne fête! Pourquoi est-ce qu'il faut écouter CISM finalement? Pour connaître les groupes locaux de Montréal principalement, ceux qui émergent, qui sont pas encore connus du tout, puis qui sont extrêmement talentueux. L'actualité, évidemment. Je pense qu'ils parlent aussi de sport. J'aime beaucoup le sport, je suis un gars sportif, donc j'aime ça suivre le sport à CISM. Eh bien, l'équipe, votre réalisation, tout ça, je pense que c'est une grosse partie de votre réussite. Donc, bonne fête CISM, 20 ans à vous. Amusez-vous bien, profitez-en. Ça risque d'être le fun. Sur les ondes de La Marge. Les 10 et 11 février prochains, le collectif Toy Company débute l'année en grand avec le festival Toy Company 2012. Plus de 16 artistes de Paris, New York, Montréal et San Francisco se réunissent pour le plus grand festival de musique chiptune, 8-bit et lo-fi au pays. Deux jours de prestations live, de visuels inédités ainsi que des installations de jeux vidéo exclusives de la Société ludique du Mont-Royal. Lâchez votre manette et sortez lâcher votre fou! Le festival Toy Company est la fin de semaine du 10 et 11 février chez Jackie and Judy sur Avenue du Parc, Coinbeau. Bien. Info et passe en vente sur toycompany.cc. Manquez pas ça, ça va être bon, hein? Vous écoutez CISM 89,3 FM. Now that you made it, is your head in the sand? Yeah. me sens moche. Géraldine avec Ton danse de son album Sold Out Capitalisme. Et Géraldine sera justement en spectacle ce soir à la Maison de la culture Maisonneuve. Ça se trouve sur Ontario. Et ça sera en compagnie de Violette Pi. Et je crois que c'est présenté dans le cadre des Francouvertes qui se déroulent actuellement, plutôt ces temps-ci. Et cette deuxième heure de la Grande Traversée du vendredi a débuté avec Eulogies et You Hide de leur album Tear the Fences Down, qui est leur troisième album en carrière et qui est sorti il y a à peu près un an. Et si vous venez d'arriver à CISM, eh bien, je m'appelle Jean-François Lusignan et je suis ici en remplacement de Jim Roy, qui va bien, rassurez-vous. Et il devrait donc être de retour la semaine prochaine. Et le prochain segment musical va être exclusivement francophone avec du band de garage, du Navet Confit qui reprend Indochine, mais pour commencer, du Miasek. Et je disais tout à l'heure à propos de Miasek que le mois passé, en janvier, Miasek a été nommé chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de France. C'est quand même pas rien, alors bravo. Alors de son album Brûle, qui est sorti en 2001, voici la chanson Tonnerre. Le paradis, mais on tutoie l'enfer. On adore la pluie, mais on lui préfère le tonnerre. Tout, tout, tout, ce qui vous fait oublier la terre. On joue avec le feu, on se roule dans la poussière. On dévore de la chair. On ne craint plus la foi. On en connaît trop le calvaire. On ne croit plus en l'infini, seulement en l'éphémère. On n'est jamais en paix, mais toujours en guerre. On adore le désordre. On n'est que des mammifères. Alors on court après vos sœurs et on emmerde nos frères. Pas d'économie, on est toujours dans la surenchère. On ne connaît plus trop la loi, on est bien trop en colère. Je ne sais pas si tu me crois, nous sommes toujours en guerre. On est si inconscient que l'on se jette dans les rivières. Nous amènera le courant. On n'en a vraiment rien à faire. On connaît l'histoire par cœur. Elle a le goût de la poussière. On n'a même plus de maman. On n'a même plus de père. On se demande même où sont passés tous nos frères. On vous voit le paradis, mais on tutoie l'enfer. Te donner un baiser.

C'était Bande de garage avec Le Boucher. Juste avant, Navet Confit reprenait Le Baiser d'Indochine. Et si vous voulez trouver la liste des chansons qui vont avoir joué pendant l'émission d'aujourd'hui, c'est pour vous rendre sur le CISM893.ca après l'émission pour retrouver tout ça et peut-être même également réécouter l'émission si vous le souhaitez. On va poursuivre maintenant avec des groupes à l'accent British et qui sont évidemment aussi de Grande-Bretagne. On commence avec la bande de Morrissey et Johnny Marr de Smiths qui a été, on peut dire, dans les années 80, le groupe indie rock en Angleterre. L'année dernière, il y a une compilation, la compilation Hatful of Hollow qui est sortie originalement en 84, qui a été remasterisée, les bandes ont été nettoyées et on retrouve là-dessus plusieurs chansons qui n'ont jamais figuré sur des albums officiels des Smiths avec souvent des chansons aussi qui sont dans un format un peu moins léché que les albums officiels comme la chanson « What Difference Does It Make » qui en fait une version live enregistrée à l'émission de John Peel qui est aujourd'hui décédé en 1983. Donc on va entendre ça et ça sera suivi d'un groupe qui aujourd'hui reprend un peu, suit les mêmes traces des Smiths. Il s'appelle Chapel Club et on va entendre la chanson « All the Eastern Girls » et tout ça sur la marge CISM. To the dawn. All the Eastern girls are wandering back. back from St. Martin's, skin on her. I'm sold out in every department, got nothing left for the world. Eyes won't adjust to the light. They arrive like a king's pardon to the sound of bells. Only just getting to know you, running the flag up to claim it. Acted like I was your savior, the shepherd instead of the lamb. Night falls and the skyline hardens. Colors dissolving until faces are lost among the stars. With all the eastern girls, like stars the night sharpens, they remind me of. Let's just wait and see. Did we take things too far? I think we should wait and see how we feel apart. Did I mean that or did not? Did I know what I was saying? One decade down and I'm only just getting to know. My life in your hands. All the eastern girls. Ils sont de Montréal et s'appellent Racing Falls. C'était Is This Thing On, une chanson qui a été lancée l'automne passé et qui est destinée, je crois, à nous faire patienter avant la sortie d'un premier album à paraître plus tard cette année. Et c'était précédé de Chapel Club et The Smiths, deux groupes britanniques qui sont séparés, je crois, d'au moins 20 ans entre ces deux groupes-là. Chapel Club, un groupe d'aujourd'hui, et The Smiths, un groupe des années 80. On retourne tout de suite en musique avec la toute première position du palmarès album de CISM. C'est l'album Both Ways Open Jazz des Scandinaves de The Doe. Voici Smash Them All Night Visitors à la Grande Traversée du vendredi avec Jean-François en remplacement de Jim Roy. So many nights I begged for demons to Thank you. Songe de Sciendément, qui se retrouve sur le même mini-album que la chanson Dans mes valises, qui avait beaucoup tourné à l'époque à CISM en 2004. Et c'est un peu difficile là, de suivre ce projet-là, Sciendément. En tout cas, le gars qui est derrière le projet, Yann Bisson, parce que après Sciendément, il a changé de nom pour Yann Cobalt, par la suite, l'année suivante, pour Romeo Mortem, avec toujours des chansons en français. Et maintenant, là, c'est l'année dernière, il y a un nouveau nom, un nouveau projet qui s'appelle Yann Léon cette fois-ci, et qui donne exclusivement dans un électronique instrumental. Alors voilà, c'est pas évident à suivre. Sciendément et maintenant Yann Léon. Et avant Sciendément, vous avez aussi entendu l'indice avec Tu tires dans les mots. On va maintenant écouter le folk d'Émilie Proulx de son mini-album Montagne russe mini tsunami. Voici les états à CISM, le 89.3. Enfant dans le fond de mon rat, les états me faisaient rêver. C'était le miroir des possibles, 100 000 fois vu à la télé. Et puis un jour, j'y mets les pieds, le feeling étrange de déjà vu. Les grands espaces et les buildings soutiennent robots sur la même rue. This one. sur ses aquarelles et s'efface sans une trace. Autour de lui, tout scintille. Au fond de lui, tout s'effondre. Juste un gars, son triste. Juste un gars, son triste. Juste un gars, son triste. Plus de photos, angoisse. Juste un gars, son triste. Avec Garçon Triste, une nouveauté sur le palmarès cette semaine. Et avant ça, c'était directement de Novosibirsk, en Russie. Je crois que c'est dans la région de la Sibérie. Il s'appelle The Patience, et avec la chanson Space Farewell, qui est tirée d'un EP, un EP de 3 chansons, Sun is Always Part 1, que vous pouvez télécharger sur Bandcamp. Dans quelques minutes, ce sera le palmarès du vendredi avec Marjolaine Gauthier. Restez donc à l'écoute. Nous, on va se quitter avec du Deportivo, Exode Baraté, ça c'est le nom de la chanson. On va, quant à nous, se reparler mardi prochain. J'anime habituellement le palmarès du mardi à 18h. Et normalement, Jim Roy devrait être de retour la semaine prochaine pour une autre grande traversée du vendredi. C'était vraiment un très grand plaisir que d'être avec vous au courant des deux dernières heures pour vous partager en fait ce qui m'allume musicalement ces temps-ci. Alors voilà, ici Jean-François Lusignan. Passez une très bonne semaine, très bonne soirée. À bientôt. J'avais bouffé la fève, on a eu tout fait, écoutez, j'aurais bien tout concilié, j'aurais bien laissé faire, c'est cool. quoi un exopaté? Ça c'était dur à déchiffrer. Au pire, je vous jure, je ferai le mur. Mais qui tire les rênes? Et qu'est-ce qu'on fout encore là? Dis-le-moi. Des pharmaciens à la dizaine, où tu veux. Si t'en as plus rien à foutre, dis-le-moi. Oh, dis-le-moi. Je ne dis rien. Tant que je sombre, tu sais bien, toi tu règnes sur les décombres, mais la paresse, oh ma paresse, mais le temps presse, oh le temps presse, rapporte-moi tout ce qui reste, le cendrier doit t'apisser sur ma veste, on aura tout fait oublier, j'aurai bien tout expliqué. Je vais bien laisser faire. C'est quoi un exopathé? Ça c'était dur à déchiffrer. Au pire je vous jure, je ferai le mur. Mais qui tire les rênes? Et qu'est-ce qu'on fout encore là? Dis-le-moi. Des pharmaciens à la dizaine, où tu veux. Si t'en as rien à foutre, dis-le-moi. Oh, dis-le-moi. Je ne dis rien. Une semaine au Tabasco Bar, c'est les lundis Mojito, les mardis Corona, où la tequila et la Corona se marient bien ensemble, les mercredis Magnifico avec DJ Romain aux commandes de votre soirée électro spéciale Boréal, les jeudis 100% vidéoclip, spécial sur les bouteilles dans la section club du Tabasco, les incontournables vendredis, la soirée des dames, les samedis endiablés, la destination du week-end. On vous attend avec un spécial sur la Moosehead. Et finalement, les dimanches lounge où la musique jazz et électro et la sangria font bon ménage. Le Tabasco Bar, le lieu de prédilection pour vos parties étudiants. Le seul bar 3 étages près de l'Université de Montréal. Info tabascobar.com. C'est le Salon de la moto de Montréal du 24 au 26 février au Palais des Congrès. Découvrez les nouveaux modèles de moto, VTT, scooter, vêtements et accessoires. De plus, obtenez vos billets gratuitement grâce à Honda Canada. Aucun concours, aucun tirage, aucune attrape. Il suffit de les récupérer directement au bureau de CISM. Vous avez bien compris, des billets gratuits grâce à Honda Canada. Le Salon de la moto de Montréal du 24 au 26 février au Palais des Congrès. Un mode de transport, une passion, un loisir. Pour plus d'informations, visitez le CISM893.ca. Multilingue international, le baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal vous est offert en trois cheminements linguistiques. Régulier en français ou bilingue français-anglais ou trilingue français-anglais-espagnol. Le baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, une expérience universitaire inégalée. Multilinguisme international et stage à l'étranger sont à votre portée. Rencontrez-nous lors de la journée Portes ouvertes le mercredi 8 février de 16h30 à 20h30. Informations sur hec.ca. HEC Montréal se distingue parmi les meilleures écoles de gestion. Ici Géraldine, sur les ondes de CISM. Je vous souhaite quelque chose de très spécial. Fuck l'amour, fuck la guerre, fuck me, fuck me, fuck me. Salut, ici Petit Boc, Pontiac, Toots, Backdoor. Nous sommes le Caloum Salou. Oh yeah! Vous écoutez CISM 89.3 FM, La Marge. Yeah! Daddy, ooh-up, ooh-up. des membres fondateurs de Carquois, Julien Sago, lance son premier album Piano Mal. L'album sera en magasin le 31 janvier 2012. Pour tous les détails, consultez le www.sago.ca. The Cat Empire est de retour à Montréal le vendredi 30 et samedi 31 mars au Métropolis. Ne manquez pas The Cat Empire avec en première partie Tin Pan Orange. The Cat Empire le 30 et 31 mars au Métropolis, une présentation d'Evenco et Greenland. Greenland, Evenco et CISM présentent Gautier, le 30 mars au Théâtre Corona. Billets 514-790-2525 ou evenco.ca. Une présentation d'Evenco, Greenland et CISM. Bonjour, chers vampires. Ici Nani Nou n'avait confit. Vous écoutez Nani Nou, CISM. Par la fenêtre qui donne sur la rue, la neige qui fond le soleil sur l'asphalte, dans ses oreilles le bourdonnement. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Le palmarès du vendredi.